Benvingudes i molt benvinguts de nou amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Això és Olala Música, amb Rafael Corbí, la música en francès. Donant un cop d'ull a carpetes, arxius, des de que va començar el programa, m'han donat compte de que hem anat fent seleccions de músiques i peticions als oients i nous descobriments, i hem anat creant un superarxiu, doncs, que ha quedat en moltíssimes ocasions penjat d'artistes que se'ns han mencionat i altres que hem ofert un àlbum però n'hem buscat més. I per tant, amb els propers programes el que farem és donar veu, donar sortida amb aquest ampli arxiu que ens ha quedat aquí i que volíem oferir amb els nostres oients. Arxius que tenen peces realment magnífiques i artistes molt coneguts, com és el cas, per exemple, de la Brigitte Bardot, aquesta extraordinària artista, a més, que ens acompanyarà en el programa d'avui. En quatre cançons, anirem intentant posar 4 o 5 de cada un dels àlbums o dels artistes que us volem tornar a redescobrir entre nosaltres. Però abans, aquest tema de la François Hardy, que avui obre el nostre espai. Aquest tema del 1978. Benvinguts, benvingudes a Olala Música amb Rafael Corbí. Després, la Brigitte Bardot obrirà el nostre espai. n'importe quoi. Je voudrais que tout le monde fasse comme moi, même si c'est pas comme il faut. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Si je vais chez des amis qui ne sont pas de mon avis, je pleure, j'éclate en sanglots. C'est rigolo. Voyant qu'ils prennent pitié, je casse un cendrier et je grimpe au rideau criant c'est rigolo. Je prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrie sauf qui peut. Pour terminer la soirée, je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito. C'est rigolo. J'appelle la police, je me déguise en précipice, tous les agents tombent de haut. Vous devez vous demander ce qui m'a pris de vous chanter un aussi joli morceau. C'est rigolo. J'avais bien préparé un discours. Fatiguée, je me suis endormie. J'ai rêvé tout ceci, ce que je voudrais dire, je préfère vous l'offrir. En chantant cet air-là qui m'a plu, c'est pourquoi. Pour cette nouvelle année qui vient de recommencer, je voudrais vous dire un seul mot, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Tirez-moi cette poussière sidérale. Contact. Contact. Comprenez-moi, il me faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie. Contact. Contact. Contact. Contact. La la filla de Louis Pilou Bardot i d'en Marie Musel, coneguda com a B.B., Brigitte Bardot, la personificació del mite eròtic dels anys 50 amb una bellesa i sensualitat natural. La seva primera aparició a les pantalles va ser el 1952, amb 18 anys. I nosaltres, doncs, escoltem peces com el Ser Rigolo del 1963, una cançó d'en Gérard Bourgeau i d'en Jean-Max Rivier, o aquest Contact, que ens acompanyava també des del Panatòmic el 2002, i després amb altres cançons com els gitans Don Je Suis o La Fille de Pèl, que són, de fet, diverses cançons amb etapes diferents a la seva trajectòria artística. També escoltarem, per acabar, un duet amb Distel Gainsbourg que es deia Hippies. Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses. C'est pour la danse, pas pour la vie. Ne prends pas cet air triste et ne prends pas la peine de prendre tout ton temps à me dire que tu m'aimes. Je ne me fixe pas, je ne prends pas racine. Je ne suis pas de celle qu'un regard assassine. Je danse, donc je suis. Tu danses, et je te suis. Mais si je te suis, moi je te suis pour la danse. Faut pas que tu penses que c'est acquis. C'est à toi de jouer et de savoir me plaire. Je ne dis pas qu'un jour il ne puisse se faire. Que la danse finit, je reste prise au piège. Qui sera celui-là, peut-être toi, qu'en sais-je. Danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses. C'est pour la danse, pas pour la vie. C'est pour la danse, pas pour la vie. C'est pour la danse, pas pour la vie. Ah, que pour toi, ce doit être éprouvant. D'être amoureux d'une fille de paille. Car je m'envole au premier coup de vent. Quand tu me crois dans tes bras, je suis par-dessus le toit. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. On ne voit pas forcément les yeux d'une fille de paille. Tu aurais dû cependant te douter qu'à la place de mon cœur, il y avait un grillon moqueur. Sentiments sont en pierre de taille. Quand tu m'as dit qu'on pourrait se marier, je me suis vite enflammée, mais il n'en est rien resté. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, que pour toi ce doit être d'être amoureux d'une fille de paille. Car je m'envole au premier coup de vent. Tu me croyais dans tes bras, j'étais par-dessus le toit. À la place de mon cœur, il y avait un grillon moqueur. Et je me suis enflammée, mais il n'en est rien. Ha ha ha! We have our hippies too. J'aime pas De Dion. J'aime pas Bouton. J'aime pas Aston. J'aime pas Martine. Mais j'aime faire la bise aux hippies. Oui, j'aime faire la bise aux hippies. J'aime pas Arthur. J'aime pas Rimbaud. J'aime pas Edgar. J'aime pas Po. Mais j'aime faire la bise aux hippies. Oui, j'aime faire la bise aux hippies. J'aime pas Edou. J'aime pas sa main. J'aime pas Otis. Pas plus que Pifre. Mais j'aime faire la bise aux hippies. Oui, j'aime faire la bise aux hippies. J'aime pas Laurel. J'aime pas Hardy. J'aime pas le Kid. J'aime pas Charlie. Mais j'aime faire la bise aux hippies. Oui, j'aime faire la bise aux hippies. La Music, el programa de música francesa a la teva emissora. On me dit que je suis paresseux. Je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds. Je n'ai que deux pieds, franchement désolé. La vaisselle envahit l'évier, et le linge déborde du panier. J'ai les cheveux sales, je suis barbu, mais je m'en vais, mon café bu. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds. Je n'ai que deux pieds, franchement désolé. Et moi j'aime regarder les travaux. On me dit du balai, plus vite que ça s'il vous plaît. Moi je suis désolé, je n'ai que deux pieds. Je n'ai que deux pieds, franchement désolé. Elle me dit que je suis en retard, que je me coiffe avec un pétard. Elle veut déplacer les meubles, je suis pas là pour déplacer les meubles. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds. Je Aquestes són la música d'un altre personatge nascut a París el 1963, el segon dels protagonistes del programa del dia d'avui de Hola la Música. Ens estem acompanyant, estem gaudint de la música de Thomas o Thomas Fersen, que de les dues maneres se li podia dir perquè també ell utilitzava aquest nom. Són cançons del 2003 amb aquest tema que escoltarem ara mateix i altres dos que ens arribaran des del mateix àlbum. Pils Monté de Grand Jours es deia aquest disc. Als 15 anys ja dedicava la major part del seu temps lliure al món de la música. El 1993, 10 anys abans d'aquest que estem escoltant, va llançar el seu primer àlbum, El Ball dels Ocells, i avui el recordem amb quatre cançons a través del nostre programa. Thomas Fersen. Devrais être heureux comme un pape, j'ai un nœud pape, je suis invité, moi qui aime traîner la savate, les belles cravates et l'oisiveté, et discuter du grand amour, cravate de velours pour toute la vie, même si la vie ça fait beaucoup, cravate au cou, à mon avis, je suis sapé comme un notaire, cravate blazer et nous dansons, et lorsqu'il commence à m'en cuire, cravate de cuir et je me morfonds. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. J'en ai ras-le-bol à la coupole, cravate au col, de boire du thé quand je préfère aller jouer, cravate dénouée, ma chance au dé. Le mariage n'est plus à la mode, cravate en sol dans cette saison, et jamais je ne moisirai, cravate à raie dans une prison. Alors au lieu de me morfondre, cravate de Londres, je file à l'anglaise, avec ça j'emporte vos ronds, cravate marron pour être à l'aise. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. D'abord vous vous laisserez abattre, cravate verdâtre, vous me regretterez, et puis vous serez écarlate comme ma cravate quand vous pigerez, et moi j'aurai pris les devants, cravate au vent ainsi que le soin, dans votre triomphe décapoté, cravate mouchetée de changer de coin, avant que la colère ne darde, cravate moutarde son aiguillon, et que l'on songe à m'arrêter, me cravater au portillon. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. Avant que cette histoire se termine, cravate d'hermine par un procès, qu'on me confisque tout ceinture, cravate bien sûr et mes lacets. Adieu et j'emporte l'argenterie, cravate rubis et vos bijoux, pour m'offrir les cravates que j'aime, c'est-à-dire crème, merci mon chou. Je m'en vais ailleurs me faire pendre, cravate de chambre, adieu beauté, et puis m'en jeter un derrière la lavalière, à votre santé. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. Je suis né dans une rose, et pour les besoins de la cause, j'ai fait ma valise. Quand j'ai eu 18 ans ferme, adieu j'ai quitté la ferme, avant que ça me défrise. Car pour zigouiller une poule, ben il fallait que je me saoule avec du whisky. Sachant qu'à la vue du sang, je suis aux abonnés absents, je m'évanouis. J'ai trouvé dans ma chaussure un nécessaire de coiffure le jour de Noël. Des ciseaux, un peigne en os, une une tondeuse, un fer, une brosse et le manuel. Alors j'ai nourri l'espoir tout en pressant sur la poire du vaporisateur. De tout jeter dans un torchon et avec ce baluchon de changer de secteur. J'ai fait ma valise, peine sauté du camion, me suis retrouvé dans le bouillon. Ce fut délicieux de friser la pharmacienne avec mon père et mon père. Quant à ces messieurs, c'est toujours la même coupe, celle de Riquet à la houppe. Mais quand on se plaint, j'abandonne la mèche folle pour une bonne vieille coupe au bol. Alain du Guesclin, parfois cette envie de fou, celle de leur trancher le cou, fait trembler ma main, de leur tailler en ciseaux et deux oreilles en biseau. J'en prends le chemin, mais pour zigouiller une poule, il faudrait que je me saoule avec du whisky. Sachant qu'à la vue du sang, je suis aux abonnés absents, je m'évanouis. Et une araignée énorme, je lui joue de la musique. Il paraît que ça pique, elle est venue faire son toit dans la robe de bois de mon harmonium. Comme elle est mignonne, rititi, ratata, rititi, ratata. Dans mon harmonium, il y a une araignée énorme, je lui joue des requiem. Il paraît qu'elles aiment, elle est très gentille, mais je suis comme les filles, ça me fout la trouille. Paraît que ça chatouille, rititi, ratata, rititi, ratata. Dans mon harmonium, il y a une araignée qui lorgne du côté de ma personne. Paraît que ça saucissonne, que ça mange son époux. Comme un vulgaire tout, après la marche nuptiale, paraît que c'est normal. Moi dans mon délire, ça me fait défaillir. Et quand elle promène son rose abdomen, je me vois à la mort. Alors sur mon ordre, je joue pour la veuve. Paraît qu'elle s'émeut, rititi, ratata, rititi, ratata. Dans mon mon harmonium. Il y a une araignée énorme, il y a une araignée géante. Est-ce qu'elle est vivante? Elle ne bouge plus comme elle est velue. Moi ça m'horripile, faudrait qu'elle s'épile. Rititi, ratata, rititi, ratata. Pareil que ça les berce d'entendre la messe. Trop tard je l'assomme, que Dieu me pardonne. Avec mon missel de communion solennelle, ma femme s'impatiente, elle est pas contente. On dirait Simone, on dirait que tu lorgnes du côté de ma personne. Comme une araignée énorme, celle qui mange son époux, comme un vulgaire pouf. Après la marche nuptiale, ce n'est pas normal. Rititi, ratata, rititi, ratata.

le vieux casino démoli, c'est fini. Et perdonnez pas comme une vieille nostalgie des guili-guili, des Bugatti, des oh la la la, des soirées de gala, Riviera. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. J'te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des cravates d'avant-guerre. Le casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la refaire. Fermez les yeux des grandes filles bleues marines, tout à l'anguipou, nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard, d'un long baiser fini, c'est trop tard. Les mains sous le satin, caresses du matin, chagrin. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la refaire. Poc ens queda per arribar al final del programa gaudint de la música de l'any 60 i aquest de la rumba d'Ansler o aquest Papa Mambo, que també escoltarem ara mateix. Un parell de cançons i acabem el nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí una vegada més. Seguirem la setmana que ve amb més discos d'aquests que tenim aquí per tots aquests de l'any 60, extrets d'una compilació que es va publicar el 84, si no recordo malament, una col·lecció dels seus temes que va popularitzar entre el 74 i el 83, Collection, s'anomenava Col·lecció. Us deixem, doncs, amb aquests dos darrers temes fins al final del nostre programa de l'Alain Souchon. Avui, Brigitte Bardot, Thomas Fersen i Alain Souchon amb el nostre programa. A reveure. Ton oeil profond d'Hidalgo tango, tes joues creusées haut, guerrier roule, tourbillon des belles danseuses rêveuses, que la révolution me rend nerveuse. Mais l'estomac y tient pas le tempo, tombe de haut gringo pistolero. Dans la crème chantilly les gâteaux, dans la crème chantilly les gâteaux. Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur, tu l'as trouvé beau dans le temps, petite sœur. 60 kilos d'échevelé poète, tout lui vide au milieu des tempêtes. Mais l'estomac y tient pas la rime, l'albatros patouche dans l'ice cream. Nous la jolie, nous la beau, tout en pâté, pâteau par les pâtés, les gâteaux. Nous la beau, nous la jolie, en kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. On est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. On est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. On est foutu, on mange trop. Roulait des hanches en douceur, chanteur, dans son habit cœur, belle minceur, le poster fatal au-dessus du lit. Mais la petite fille d'alors, elle a grossi, elle a groupi, fait de la bonne cuisine. Le chanteur a débordé de son jean, nous v'la jolie, nous v'la beau, tout en pâté, pâteau par les pâtés, les gâteaux. Nous v'la beau, nous v'la jolie, en kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop, on